PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous entendez la Radio Pokajou International. Je suis Melissa Suarez El Real, très contente de vous accueillir de nouveau dans cette émission de Radio Pokajou International. Cette semaine, comme les semaines prochaines, peut-être deux ou trois semaines, vous allez entendre une série d'émissions dédiées à la religion pokajoutienne. Parce que même si aujourd'hui peu de personnes pratiquent le culte, on pense que c'est un sujet très très intéressant qui va refléter assez bien la culture pokajoutienne. La religion pokajoutienne compte avec un panthéon très nombreux, et même si chaque dieu a une tâche céleste très claire, ils ont une relation très importante et complexe entre eux. Selon le Punéhé, le livre sacré, au début du temps, il n'existait rien dans l'univers sauf pour une énorme pierre appelée Pokaj. À l'intérieur de Pokaj existaient toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui. Les hommes, les étoiles, les casseroles, et bien sûr aussi les dieux, qui n'existait pas avant de Pokaj. Mais tous ces objets et sujets étaient tellement serrés à l'intérieur de Pokaj que seulement un brin de poussière a suffi pour faire exploser Pokaj et créer une flopée de morceaux de pierre. Mais puisque les dieux étaient à l'intérieur de cette pierre et ils étaient désormais libérés, ils ont pu être capables de classer et de manger tous les différents matériaux qu'il avait à l'intérieur de Pokaj. Et Punéhé, la déesse créatrice, a autant mangé qu'elle a vomi toutes ses pierres, créant la voie lactée et les humains avec. Mais selon le mythe, toute cette création était une véritable pagaille. Jusqu'à ce que Punéhé a accouché les frères siamois qu'on adore aujourd'hui sous le nom de Akalamalaka. Akalamalaka est le ou les dieux de la musique et du son respectivement. Et c'est une des figures les plus belles de l'iconographie pokajoutienne. Aujourd'hui, on voudrait dédier notre émission à Akalamalaka. Ce sont les dieux les plus importants parmi les peuples pokajoutiens. Étant une nation consacrée à la musique et où la culture du son est tellement importante, ces dieux sont les figures les plus emblématiques et les plus vénérées de la religion pokajoutienne. Kiwembo de Soban Samimanisa, un peu de musique inspirée par Akalamalaka, les frères siamois qui sont les dieux du bruit et de la musique. Leur nom, Akalamalaka, est un palindrome, et en fait, selon le Punéhé, chacun a son nom. Akalam, c'est les dieux du bruit, et Malaka est les dieux de la musique. Mais on ne doit jamais les appeler séparément, parce que, selon lui, c'est un mauvais présage. Son nom entier, Akalamalaka, représente l'ordre et le désordre de son dans le monde. Et bien sûr, selon le mythe, c'était grâce à sa naissance que l'univers a commencé à tourner avec un rythme régulier. Selon le Punjé, Akalam, le dieu du bruit, a été le premier à être accouché. Et depuis le moment où il est sorti, il a commencé à crier et à pleurer sans aucun rythme. Mais il était très faible. Et quand le reste de son corps, c'est-à-dire son frère Malaka, est sorti, les cris rythmiques de Malaka ont caché complètement les cris chaotiques de Akalam. Depuis ce moment, Malaka, un dieu qui aime l'ordre et le rythme, est devenu le frère dominant, mais il a toujours besoin d'Akalam, qui aime le désordre, mais qui crée tous les sons du monde. La musique qu'on a choisie pour aujourd'hui est donc créée spécialement pour plaire aux deux dieux. Il s'agit d'une musique chaotique et à la fois rythmique et musicale. La musique, comme Akala Malaka, est formée de bruit et de rythme, justement comme ce morceau qu'on va entendre. Toma tu jabón Capax du groupe colombien Los Pirañas. Une chanson qui rend hommage à la figure des dieux Akala Malaka, que comme on disait tout à l'heure, ce sont les dieux siamois de la musique d'un côté et du bruit de l'autre. Le culte pocajoutien aux anciennes divinités continue de nos jours et la façon de les adorer reflète sa nature duale. Puisque Akalamalaka est à la fois le créateur de tous les sons du monde et l'organisateur de ces sons, qui les met dans son rythme, les dévots doivent se présenter au temple en couple. Le temple, selon l'ancienne tradition, doit être bâti en pierre ou avec des matériaux qui reflètent le son pour créer l'écho. Et il doit y avoir deux portes. À Akalam, le dieu du bruit, représenté normalement du côté gauche, on offre des petits objets en métal ou n'importe quel objet capable de produire des sons. C'est à lui qu'on donne d'abord les offrandes. Par contre, à Malaka, placé du côté droit du temple, on offre des boîtes, des caisses, tiroirs et de fourre-toutes remplies avec des instruments, normalement des percussions. C'est lui qui, selon le mythe, est le responsable de la durée régulière de jours et de saisons, grâce à les applaudissements qu'il fait constamment. En fait, il est représenté dans le geste d'applaudir, un geste symétrique et beau, pendant que son frère siamois est représenté avec les mains situées n'importe où. Akalamalaka est la divinité associée avec le son, le temps, mais aussi avec l'ordre et la créativité, selon le côté où l'on fait l'offrande bien sûr. Normalement, les pocajoutiens vont au temple de Akalamalaka pour demander de trouver un objet perdu ou le bon développement d'une situation compliquée, ou simplement pour avoir une bonne idée. Leur visite doit être accompagnée bien sûr des sons et des musiques. Ce qu'on choisit plus couramment, c'est la musique vocale qui, selon le mythe, touche plus directement les dieux. Un exemple de la musique que l'on prépare pour la visite à Akalamalaka, c'est « Make Yourself Over » des Majestic Arrows. Voici dans une version d'essai, peut-être avant de visiter le temple de ces dieux. Merci de nous avoir accompagnés. Je suis Melissa Suarez del Real et j'espère que vous soyez là pour la prochaine émission de la Radio Pocajou International. À bientôt.